بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد ف comme à notre habitude, on va commencer le cours d'aujourd'hui par une série de questions révision du cours précédent. On a dit dans le cours précédent que l'imam Ahmed rahimahullah, qui est mort en quelle année ? Mustafa Tawad. 241. Ahsant. Barakallahu fik. Et il est né en quelle année ? Fadal Mustafa. 164. Ahsant, 164. L'imam Ahmed a dit dans ce livre, donc les fondements de la sunna, qu'il n'y a pas d'analogie concernant la sunna. وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاسِ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ. On a expliqué ce qu'était Al-Qiyas, donc l'analogie. Est-ce que vous vous rappelez une définition simple de Al-Qiyas? Tfaddal Salih. C'est prendre le jugement de la base et l'appliquer à la ramification. Ahsant, barakallahu fik. De prendre le jugement de la base et de l'appliquer ou de l'étendre à une ramification. Pourquoi ? On a dit, pour une cause qui les réunit. Un exemple facile pour expliquer cela. Les drogues. Par exemple, les drogues. On a dit, la base, c'est l'alcool, puisque c'est venu dans... Dans le Coran, de même que dans le Hadith. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Hadith nous a mis en évidence que la cause de l'interdiction de l'alcool était l'iskar, c'est-à-dire le fait que ceci enivre. Et nous trouvons cette cause dans les drogues qui seront ici la ramification. La cause de l'interdiction de l'alcool, qui est la base, qui est celle qui est mentionnée dans les textes, se retrouve aussi dans la ramification, qui est ici en l'occurrence les drogues. Donc on appliquera le jugement qui est donné à l'alcool, c'est-à-dire l'interdiction de la consommer, à la ramification qui est ici en l'occurrence les drogues, de par cette cause qui les réunit, c'est-à-dire l'enivrance ou l'enivrement. Ahsantum. Et pourquoi on a expliqué donc Al-Qiyas, l'analogie, par rapport à cette parole de l'imam Ahmed, et lorsqu'il nous dit qu'il n'y a pas d'analogie concernant la sunna, par rapport à quoi exactement? On a donné quelques exemples. Hein? Ahsant, par rapport à un texte, c'est-à-dire, concernant la sunna ici, un exemple concret qu'on a évoqué la semaine dernière. Fadal Salih. La viande de chameau. On n'a pas parlé de la viande de chameau. C'est que selon la vie, le plus juste, manger la viande de chameau, ça annule les ablutions. On l'a évoqué, mais pas pour ceux que tu penses ici. Hamid, faddal. Tout aliment qui est touché par le feu. Ahsant. On a rapporté ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira dans le recueil de Sunan de Al-Imam Ibn Majah, dans son introduction, où Abu Huraira rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit, pour ne pas rentrer dans les détails, que selon l'avis le plus juste, ceci est simplement recommandé et non obligatoire. Mais pourquoi Al-Sheikh Rabi' Hafidahullah a évoqué ce hadith? Car cette personne, qui fait partie des suiveurs de At-Tabi'in, a questionné Abu Huraira à propos de Al-Hamim, l'eau chaude. Alors que dans le hadith, il ne fait pas question d'eau chaude. Et il commença à le questionner sur l'eau chaude et sur autre chose. De même que cette parole qui est connue de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, concernant Al-Mas'h, l'essuyage sur les chaussures ou sur les chaussons, sur Al-Khouf. Si la religion était à prendre par la raison, le dessous du chausson aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus. parce que tu marches, et ce qui touche la terre et ce qui touche la saleté est le dessous du chausson et non le dessus. Mais plutôt, ce qui est venu dans la sunna, c'est l'essuyage des chaussons par le dessus et non par le dessous. Ici, cette parole de l'imam Ahmed, donc il n'y a pas d'analogie en religion, il n'y a pas d'analogie concernant la sunna. Et comme Cheikh Rabi' l'a détaillé, comme on l'a lu la semaine passée, l'analogie qui est voulue ici, cette analogie qui n'est pas celle que j'ai expliquée ici, qui est l'analogie qui est valide, qui est véritable lorsqu'il y a deux textes, où il y a deux jugements, un jugement de base que l'on trouve dans les textes et une ramification dont, à propos de laquelle on ne trouve pas de texte. On appliquera ce jugement, comme l'a dit Salih ici, à la ramification, le même jugement qu'on a appliqué à la base pour une cause qui réunit les deux. Ceci est l'analogie qui est viable, qui est véridique, qui est valide. À l'inverse de l'analogie qui peut être faite par une personne dans son propre esprit. Il dit, si ceci est interdit, eh bien l'eau chaude aussi alors est interdite. Eh bien le thé est interdit. Et il commence à faire des analogies dans son esprit et la sunna n'accepte pas cela. Plutôt on s'arrête au texte. On a cité aussi une catégorie de personnes qui ont l'habitude de dire, lorsqu'ils entendent les textes, « Ara'ayta, ara'ayta, as-tu vu, as-tu vu ?» C'est-à-dire qu'ils donnent des exemples. « N'as-tu pas vu l'eau chaude ? N'as-tu pas vu le thé ? N'as-tu pas vu ? Quel est son jugement ?» Comment on appelle, ou comment « As-salaf » radhiyallahu alayhim appelait ces gens-là ? Fadal Mohamed. « Ahsant » Al-ara'aytiyoun, c'est-à-dire ceux qui disent ara'ayta, ara'ayta, ara'ayta, ara'ayta. Toujours, ils posent ces questions-là. Et ceci est une maladie chez certaines personnes. Au lieu de s'en tenir au texte, ils posent la question qui leur passe par l'esprit. Alors que cette chose n'est jamais arrivée et peut-être n'arrivera jamais. Mais une question qui lui passe à l'esprit, au lieu d'écouter lorsqu'il s'assoit dans un cours, ou lorsqu'il entend un cours, ou lorsqu'il entend une exhortation, au lieu d'écouter et de prendre ce qui est rapporté dans cette exhortation, dans ce cours des textes du Coran, de la Sunna, il reste à réfléchir. Et si il se passe telle chose, qu'en est-il ? Et s'il se passe telle chose, qu'en est-il ? Poser beaucoup de questions pour comprendre sa religion n'est pas blâmable. Mais poser des questions, soi-disant pour comprendre sa religion, parce qu'une chose t'a traversé l'esprit, alors que cette chose est loin d'arriver, ceci est ce qui est blâmable et ce qui a été blâmé par nos pieux prédécesseurs. Et ce sont ces gens que l'on appelait Al-Ara'aytiyoun. Ces gens à propos de qui Ibn Umar, radiyallahu anhuma, parmi d'autres, disait « Ij'al Ara'ayta inda dhaka al-kawkab » Envoie, Ara'ayta, envoie, as-tu vu cette parole, cette manière de poser des questions sur cette étoile ou sur cette planète ? Loin de toi ».